Fugeuse et c'est l'émission 386 qui commence maintenant. Voilà, les énergiques jeunes gens qui viennent d'entamer l'émission s'appellent Ace, donc c'est leur second album depuis 2021. L'album s'appelle Congratulations. Donc, pardon, c'est un quintet qui nous vient du Danemark qui a sous la forme de guitare plus basse batterie et un chanteur. C'est entre punk hardcore new jerseyen et hardcore mélodique. La singularité du groupe, c'est le chant de Victor Klaas qui est assez déflagrant, plus extrême que la musique. Hein. Le chant aussi là, entre le black metal et le screamo. Et voilà, c'est sorti chez Indisciplinarian Records. Donc cet album Congratulations de Ace, le morceau que vient de s'écouter s'appelle The City. Voilà. Sinon, au programme de cette émission, il y aura une petite séquence rock, une petite séquence doom, une petite séquence, on va dire, un album de la semaine, en tout cas, pop, crotrock. On aura un petit peu de new R&B soul. On aura de la pop lofi, un second album de la semaine. On aura de la pop folk. On aura du post-rock, entre post-rock et slowcore, on va dire. Un troisième album de la semaine et on terminera un petit peu avec du folk ambient, on va dire. Voilà, donc on démarre tout de suite avec une séquence rock avec Haig Vis, un quintet londonien amené par Graham Sales. Ils ont sorti leur second album là qui s'appelle Blending. Donc c'est sur fond d'anticapitalisme, de conscience, de classe. On a une musique punk rock à l'énergie convaincante. C'est sorti sur le label Dies Record. Le morceau qu'on va écouter s'appelle 0151. Wait on the left. Voilà, à l'instant, vous aurez peut-être reconnu la voix. Il s'agissait de Monsieur James Newell Ostenberg Jr., plus connu sous le nom de Diggy Pop, l'iguane, donc, qui a sorti là, cette année son 19e album depuis qu'il a entamé sa carrière solo en 77. Mais avant ça, ben, il y avait The Stooges. Et avant The Stooges, il y avait encore autre chose. Il y avait les iguanes, justement, de le dire à son surnom. Après 60 ans de carrière, c'est impressionnant, le monsieur a 76 ans et il est quand même encore capable de pondre des choses aussi rock que ça. Et évidemment, quand on a ce background, eh bien, il y a du monde qui vient vous aider à faire de la musique. Hein. Il y a Chad Smith sur cet album, le batteur des Red Hot Chili Peppers. Il y a Travis Barker, guitariste de Blink. Il y a Andrew Wop, producteur de Pearl Jam et qui officie en tant que multi-instrumentiste également sur le groupe The Earthling, le groupe qui accompagne en solo Eddie Vedder. Et voilà, il y a également Duff McKagan, bassiste des Guns N' Roses, Josh Adam Kringhofer, guitariste des Red Hot, et j'en passe. En tout cas, c'est un nouvel album très très rock, à l'écriture simple et directe. Là où on le pensait cantonné à des choses plus crooner, compte tenu de son âge, il revient vraiment à des fondamentaux assez rock, assez énergiques, et c'est tant mieux. Voilà, très bon album donc d'Iggy Pop, Every Loser. Le morceau qu'on vient de s'écouter s'appelle All the Way Down, et il y avait un invité, le guitariste Tom Gossard de Pearl Jam. Voilà, si on va poursuivre avec une séquence un peu doom, on commence par Big Brave, un trio montréalais dont on avait passé déjà un extrait du dernier album, qui là vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Nature Morte, leur 7e. C'est 6 morceaux, 43 minutes, donc 3 morceaux de plus de 9 minutes et un de 7 minutes. C'est surtout Robin Watty au chant et à la guitare. Le chant est quelque chose d'important dans Big Brave. Voilà, c'est du doom metal plein de nappes de drones, ça confine à la trance, c'est plein de vociférations habitées, donc de Robin White justement, c'est pour ça que le chant y est important. Et c'est sorti chez Trill Jockey Records. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Carvers, Fires and Knives, donc Big Brave. C'est parti, ça va être assez lourd, assez long, assez bon. Yeah. Voilà, jusqu'après Big Brave, on est resté dans le doom à chant féminin avec Frail, donc le morceau Skin and Sorrow tiré de leur album éponyme, leur second album depuis 2019. Donc Frail, c'est un duo qui nous vient de Cleveland, dans l'Ohio, composé de Shane Bilovecki, ancien membre du groupe hardcore Disengage, et Gwyn Strang, sa femme. Voilà, donc on est dans le Doom Stoner, tout un équilibre entre les riffs puissants et lourds de Shane Bilovecki et le chant éthéré de Gwyn Strang. Il y a une identité sonore assez forte, c'est plutôt très beau, et c'est sorti chez Aqualung Records. On poursuit avec le premier album de la semaine, qui nous vient d'Angleterre, de Reading, et qui est signé du quintet Ulrika Spacek, leur troisième album depuis 2016. L'album s'appelle Compact Trauma. Donc c'est un quintet amené par le très talentueux Rhys Edward, qui a également d'autres projets comme Astrelka et Formica. Le guitariste Adam Breisch, le guitariste claviériste Joseph Stone, le bassiste Sid Camp et le batteur Callum Brown. Voilà, donc cet album, c'est 11 morceaux, 50 minutes. Des morceaux qui oscillent entre noise, krautrock, pop. Il y a des compositions assez complexes, des guitares inventives qui partent souvent en chaos sonique. Au niveau des références, on est plutôt sur des choses entre Radiohead, Sonic Youth, Deer Hunter ou The Brian Johnston Massacre. Voilà, donc cet album a plus une composante... voilà, c'était le second extrait de notre premier album de la semaine. Album remarquable, album Compact Trauma d'Ulrika Spasek. Donc, le quintet anglais, le morceau s'appelait If the Wheels Are Coming Off. The Wheels Are Coming Off. On poursuit avec une petite séquence sous le R&B moderne, on va dire, avec SZA, donc alias Soliana Imani Rowes. Et une chanteuse qui nous vient de Saint-Louis, Missouri, qui vient de sortir son second album SOS sur le gros label RCA Records, donc une sous-division de Sony, donc c'est moyennement indé, on va dire. Donc c'est 23 morceaux pour 1h10 de musique pop. Il y a quelques invités, dont Dan Toliver, le rappeur, Phoebe Bridgers, Travis Scott ou Oldestie Bastard des Wu-Tang Clan. Ça oscille entre R&B, soul, électronique. C'est assez moderne. On va écouter le morceau Good Days, qui est un morceau assez estival, on va dire. Step out, get some air now, let your edge out. To some iceberg, you'll be heavy in my mind. Can you get the heck out? I need rest now, got me bummed out. You, baby, I've been on my empty mind, shit. I should've kept from losing the best in me. I worry that I wasted the best in me. It's just urgent. Tryna make some little change. Got me a war in my mind. Gotta let go and wait. Can't keep what's holding me. Choose the right, but it will pick up in front of me. All the while, I'll wave my arm, I'll feel it a smile. I still wanna try, still believe in good days. Always inside. Good day, living in my mind. Help me on my fears, my limitations. I disappear if you let me. Feeling like Jericho. Feeling like Job when he lost his shit. Gotta hold my own, my cross to bear a long night. Ooh, way to dip, way to kill the mood. No, you like that shit, can't groove it, baby. Heavy on my empty mind, shit. I gotta keep from losing the rest of me. Still worry that I wasted the best in me. On you, babe, you don't care. So now I'm tryna be a nuisance, it's just urgent. Tryna make some simple change, got me a war in my mind. Gotta let go of waiting, can't keep what's holding me. Choose the right, but it will pick up in front of me. Gotta get right, tryna free my mind before the end of the world. I don't miss no ex, I don't miss no text. I choose not to respond. I don't regret, just pretend shit never happened. Half of us laying waste of our youth, it's in the present. Half of us chasing fountains of youth, and it's in the present now. song. Look, honesty between the seller and the buyer should be a given, but man, I didn't know you were a liar. Dropped out of college, still I made it through the wire. We was trying to hustle whatever was 10 just for a fiver. Don't sell yourself short, miss, said the driver. Was on my way to getting caught in a crossfire. I mean, lavish living, dripping designer. Who you wearing? They're so enchanted by attire. Hearts on fire, bought the dream with every penny that I acquired. This is set up and you'll be next up to those prior. Devil works hard, but the business works harder. I vowed from now to work smarter. They won't do it like us, for the people by us. Why they wanna fight our spirit on higher. God made truth of everything I desire. I'll need much as long as I got my baby, he a rider. He's sitting beside her, that's who she confiding. They want you conniving, creeping with your side ting. Making up a story that equals somebody buying. New world order, cause life as we know is dying. Not thriving, it's only a matter of timing. Ain't it just funny how you can literally give your everything? Somebody gonna turn around and tell you you ain't gave enough. Danger, what you afraid of? Acknowledging it's impossible now to restrain her. Worst thing I could have done is put trust in a stranger. But that needed to happen for me only to wake up. The shoots will get in your ear when your shit popping. Lies overflowing and they ain't stopping. You don't even recognize who it is that you're becoming. They don't give a shit long as the gravy train running. My life is a blessing, but it comes with the stresses. We all start off so pure. Do it for the love, nothing more. Nah, maybe to cop mama house, but nothing more. Maybe to sort my cousin out, but nothing more. Maybe I'll get a new coupe, nothing more. 15 to 100 shoes, nothing more. By the time you know it, that list never stopped growing. And you don't know what you even do this for. Hearts on fire, hearts on grandeur. Ballroom gowns and champagne pours. Is the after party a social party? With everybody talking, the music should have been paused. Marble floors and tall glass doors is what you're in for. Did you read the clause? It was never about looking for results now. Every time you do something, you need an applause. Please keep your head on when you're going through the maze. Cause navigating the fame is something you're never trained for. Tell me what you came for, wanted better days. And now you're running away from that very thing you prayed for. Tell me, am I tripping or is the light blinding? Am I anxious or am I excited? Am I calm or am I unbothered? Or maybe I needed my fire to be ignited. Hearts on. My life is a blessing, but it comes with the stresses. And I can take it all. Voilà, c'était un petit tube signé Little Sims, alias Madame Simbiatou, Abiola, Abiola Ajikawo, la londonienne, donc, qui nous vient d'Islington, plus précisément du quartier Islington de Londres, donc d'origine nigériane, je précise, parce que ça a un impact sur sa musique, il y a souvent beaucoup sur cet album de percussions qui viennent un petit peu du coin, hein. Voilà, donc ça a tiré son dernier album No Thank You. No Thank You, ça s'adresse à l'industrie musicale, au major plus précisément, puisque à l'issue de son précédent album Sometime I Might Be Introvert de 2021, qui a gagné le Mercury Prize, elle a refusé la plupart des offres, toutes les offres des majors, pour continuer sur son label Forever Living Originals, et continuer en compagnie d'Inflow, le merveilleux producteur de Salt, et ensemble les deux compères pour lesquels il y a une visible alchimie musicale, explore des musiques afro-américaines, du gospel à la soul, à la funk en passant par le hip-hop, donc, ou même, comme je l'ai précisé, des percus un peu directement africaines. Voilà, un album riche, cohérent et vraiment, vraiment passionnant. On poursuit avec le second album de la semaine qui nous vient de New York et qui est signé Kolesanka. Donc Kolesanka, c'est le projet d'une certaine Christina Moore, donc chanteuse, guitariste, qui sur cet album fait également de la basse, de la batterie, des synthés, un peu de tout finalement, y compris du piano, et qui s'adjoint un complice, Ark Catkins, qui fait également un petit peu de tout. Voilà, c'est un album de confinement, tous les morceaux étaient écrits pendant le confinement, mais un confinement heureux, hein. C'était quelqu'un qui était qui normalement doit travailler dans des restaurants en même temps qu'elle fait la musique. Pendant le confinement, elle a été totalement dégagée de ses responsabilités au restaurant. Et c'est purement consacré à la musique. Elle a peaufiné cet album, Alone with the Sun de The Min Mikes. Donc l'album, c'est la pop de chambre expérimentale, c'est très lofi, plutôt joyeuse, assez sophistiquée, avec un chant à la Laetitia Sadier de Stereolab. Un chant qu'elle rend parfois choral par l'utilisation de filtres. Il y a beaucoup de synthé de type casiotone. Voilà, au niveau des paroles, c'est des souvenirs. Elle se rappelle des souvenirs d'enfance ou d'adolescence, des considérations sur la conscience, les flots de conscience, les rêves. Et sur New York, l'emprise que peut avoir la ville sur l'esprit des gens, voilà. Donc on va écouter deux morceaux. Le premier s'appelle Slapstick, le second s'appelle River Rishing. Kolesanka, c'est parti. Down. Past the stars and then to live. Voilà, à l'instant, c'était le morceau River Rushing de Kolesanka, second extrait de notre second album de la semaine, l'album Alone with the Sound, The Min Mike, donc de Kolesanka. On poursuit avec une petite séquence pop folk et on commence avec une légende australienne, à savoir Robert Foster. Robert Foster, moitié des Go-Between, groupe qui a été extrêmement important dans l'univers indé des années 80, qui a même contribué à redéfinir le son indé des années 80, d'une part par la musique de Go-Between, d'autre part par le travail de critique de Robert Foster. Voilà, donc les Go-Between, c'était un groupe qu'il formait avec son regretté comparse Grant McLennan, qui a disparu il y a quelques années déjà. Mais lui a une carrière solo, donc, et dans cette carrière solo, cet album-là, The Candle and the Flame, déjà son 8e album depuis les années 90. Album qu'il a enregistré en famille, donc comme son fils Louis Foster, qui est membre du groupe The Goonsacks, qu'on a assez souvent écouté ici. Voilà, et donc comme d'habitude, c'est de la classique pop folk très bien écrite, très optimiste, très humaniste et assez revigorante, même s'il aborde des sujets graves comme par exemple le cancer de sa femme, mais toujours avec beaucoup d'énergie et d'optimisme, soulignant par exemple le courage et les bons moments de fraternité qu'il y a face à l'épreuve. Voilà, donc le morceau qu'on a écouté s'appelle Tender Years, Robert Foster, c'est parti. I see her through the ages. She's a book of 1,000 pages that you can thumb. Images of her are vivid. Her beauty has not withered from her entrance in chapter one. I'm in a story with her. No, I can't live without her. I can't imagine one. I know it's growing daily. Lately I see how far we've come. Memory is a servant, and I have been observant. There is a story to tell. Laughter was distorted. Wind came, plans were aborted. Love scenes are at night. I'm in a story with her. I know I can't live without her. I can't imagine one. Walking through salt and water, I see how far we've come. Time is important. Timing is more important. Without it, a story can end. Heidelberg is a German city by a river, very pretty, and it was there. The timing was our friend. Come on, I'm in a story with her. No, I can't live without her. I just can't imagine one. I know it's growing daily. Lately I see how far we've come. Thank you. These are the tender pages of short days and little sun. I remember carrying a baby while you lay in bed waiting for another baby to come. I'm in a story with her, I know I can't live without her, I just can't imagine one. I know it's growing daily, lately I see how far we've come. I'm in a story with her, I know I can't live without her, I just can't imagine one. Walking through salt and water, I see how far we've come. Tell you how we walked. halfway for better or worse. You've reached halfway for better or worse. If the first half was rough, or the second is a curse. A hollow skeleton lifts a heavy weight. Voilà, juste après Robert Foster, on est resté dans la pop folk, même si c'était nettement plus folk, avec Jem Yorkstone et The Second Hand Orchestra et Nina Persson. Donc Jem Yorkstone, c'est son 11e album depuis un moment, hein, on va dire. L'album s'appelle The Great White Sea Eagle. C'est sa première collaboration, en tout cas, avec Nina Persson, l'ancienne chanteuse des Cardigans, et la seconde avec le Second Hand Orchestra, collectif suédois, assez orchestral, donc. C'est un disque intimiste, aux arrangements orchestraux, vaste et laissant une large place à l'improvisation. Donc, puisque les arrangements sont réalisés au moment de l'enregistrement, les morceaux sont écrits avant par justement Jem Yorkstone et Nina Persson. Et ensuite, le Second Hand Orchestra, au moment de l'enregistrement, réalise les arrangements. Voilà, au niveau chant, il y a un joli contraste entre la voix profonde et lumineuse de Nina Persson et la voix plutôt fragile de Jem Yorkstone. Voilà, c'est un disque assez chaleureux, assez doux et qui invite au voyage dans beaucoup de ses morceaux. Plutôt très chouette disque, donc The Great White Sea Eagle de Jem Yorkstone, Nina Persson et The Second Hand Orchestra. On poursuit avec le troisième album de la semaine qui, Cocorico, nous vient de France avec Pam Rissourier. Leur premier album après 3 EP réalisés entre 2019 et 2021. Donc Pam Rissourier, c'est un quintet parisien amené par un certain Rémi à la guitare et au chant. Pam Rissourier, c'est d'ailleurs l'anagramme du nom et prénom de Rémi. Voilà, donc on est entre post-rock atmosphérique, slowcore. On est un petit peu au niveau référence entre Slowdive et Sigur Rós. C'est souvent aérien et éthéré, c'est parfois étouffant aussi, comme le veut le genre. C'est une excellente surprise, en tout cas, cette qualité, hein, le post-rock français. Enfin, je le savais avec Oiseau Tempête et un tas d'autres groupes, mais voilà, ça fait toujours plaisir. On va écouter deux morceaux, donc You Are the Sun des Welsh Mets, donc Pam Rissourier, c'est parti. Thank you. donc à l'instant, c'était les excellents parisiens de Pommery-sur-Yèvre avec le morceau Weltschmerz, donc tiré de leur album Days of Distortion, leur premier album, excellent album, et notre troisième album de la semaine. On termine cette émission avec quelque chose qui est un petit peu entre folk et ambiante, on va dire, qui est signé Lisa O'Neill, la dublinoise. C'est son cinquième album depuis 2009. L'album s'appelle All of This Is Chance. C'est sorti chez Roof Trail Records. Ça suit l'album Heard a Long Gone Song de 2018. Donc Lisa O'Neill, c'était une ancienne justement collaboratrice de James Yorkstone sur l'album qu'il avait, le fameux album qu'il avait fait avec Torm et Khan, qu'on avait passé ici. Cet album-là, et qu'elle signe, est assez minimaliste, à base de guitare acoustique, parfois de banjo, parfois de violon, parfois de piano, parfois de percu. Il y a des sons un petit peu bruitistes, il y a des nappes très très minimales justement. Il y a un chant psalmodié qui dérive parfois en chœur hanté. C'est assez troublant, c'est assez fascinant. Voilà, le morceau qu'on va écouter s'appelle With the Will Working of the Wind. Il va conclure cette émission et je vous dis à dans 15 jours et je vous laisse dans les excellentes mains de Lisa O'Neill. À bientôt. Mommy, you called me petal. You called me dandelion. For me, like every daughter, I'm less of a girl with time. Grant me dreams accordingly. Wish me sorrowfine. For me, like every woman, I suffer the wild workings of my mind. Think to depths of wonder, wind pulses asunder, wished wild workings of my mind. Sell me down to hell, mama, petals, bones and all. Love is the most beautiful reason to fall. Clutching to a boat, onward to the island, seek 50,000 boards. The puffins and the gannets, they danced around our knees. And heavenly fog be the breath of God that teased the dandelion seas. There's mountains on the moon, love, taller than what we see. He held my heart against his heart. Peace came over me. Before he passed me on the stairs and fell into his sleep, his long sleep for all time, a whist wild, a working doll. They hunted me like buzzards would, and made a mad march hare, holding on to my true love and beating down the nightmare. How wrong it was, they found me on the wrong side of the water, drifting from your harness, full spirit falling, mama. Fast now into darkness, dark to depths of wonder. Wished while the workings of my mind. Sell me down to hell, mama, petals, bones and all. Love is the most cruel loss, mama, you befall. And so on Sundays, mama, when you make your way to mass, let me be the chapel bell ringing in your heart. Love is at its most still now, as I fall back to the earth. Let me be the chapel bell ringing at my birth.